والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Donc le septième annulatif, donc nous sommes toujours dans les annulatifs de l'islam, le septième annulatif, c'est la sorcellerie. Wa minhu as-sarf wal-'atf, c'est-à-dire parmi la sorcellerie, il y a as-sarf, celui qui sépare, et celui qui unit. Faman fa'alahu, celui qui le fait ou en est satisfait, il a mécru. Et la preuve de cela est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'ils enseignent, yani, al-sihr, ils disent, ne prenez pas ça, car c'est une fitna, et ça vous mène à la mécréance. Yani, dans le sens des paroles du verset. Donc, lorsqu'ils enseignent aux gens l'association, la sorcellerie, pardon, eh bien, ils disent c'est une turpitude et c'est une mécréance. Donc voilà le septième annulatif. Donc, awalan, il faut savoir qu'est-ce que al-sihr, la sorcellerie. Wa lughatan al-sihr, comme a dit al-Razi, رحمه الله تعالى, هو عبارة عما لطف وخفي سببه وقيل كل شيء خفي سببه ولطف ودقة. Donc sihr, comme ils disent dans la langue, c'est une chose qui est pas apparente, qui n'est pas apparente, qui est plutôt cachée, et qui est quelque chose qui peut être toute chose, qui est fine et caché. C'est une chose qui est fine et cachée dans la langue. وَسُمِّيَا السَّحُورُ سَحُورًا لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَيَكُونُ خَفِيًا. Donc on appelle sahur le repas que nous faisons lorsque nous faisons le jeûne, le tôt le matin, alors qu'il fait encore nuit. On l'appelle sahur parce que justement, il est dans la nuit, il est, c'est quelque chose de caché. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال إن من البيان لسحرا. Il dit certes, il y a des paroles qui peuvent être envoûtantes, yani, qui envoûtent la personne. Dans le sens où cela peut être bien si cela le mène à une vérité, ou cela peut être mauvais si cela le mène à une fausseté. Donc, al-sihr, la sorcellerie, c'est une chose qui est fine et dont sa cause est cachée. C'est une cause cachée. Al-Raghib, rahimahullah ta'ala, fil mufradat, قال السحر يقال على معان. Il dit la sorcellerie, il a plusieurs sens. Parmi ces sens-là que nous retrouvons dans la sorcellerie, il dit الأول الخداع والتخيلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعبد بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للاستماع وعلى ذلك قوله تعالى سحر أعين الناس وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم. Donc il dit le premier sens qu'on peut tirer de la sorcellerie, c'est que c'est une chose qui est, c'est comme une chose qui est le changement de la vérité. ou un khida, c'est une tromperie, ou une sorte de magie, une sorte de magie qui se fait par la rapidité de la main de la personne, comme vous voyez les magiciens avec les cartes, etc., comme ils font. Ou c'est ce que fait An-Nammam, celui qui colporte les paroles et qui les embellit et qui attire par là les auditeurs. Et il dit Allah, comme Allah dit, Saharu ayun an-nas. Ils ont ensorcelé les yeux des gens. Et il dit, Subhanahu wa ta'ala, yukhayyilu ilayhi min sihrihim. C'est-à-dire que ils ont l'impression que les choses changent dans leurs yeux, mais elles ne changent pas en réalité. Deuxième sens, c'est istijlabu. Mu'awanat al-shaytan ou mu'awanat al-shaytan. Istijlab mu'awanat al-shaytan bidarbin min al-taqarrub ilayh. En faisant, c'est-à-dire il attire l'aide de shaytan, de Satan ou des shayatin, en faisant une multitude d'adorations, en se rapprochant de lui par une multitude de choses. Et c'est pour cela qu'en général, le sorcier, il ne peut être un sorcier que si il fait une multitude de choses pour avoir les diables et les djinns à son service ou qui travaillent pour lui. Troisième sens qu'il cite, Ar-Raghib rahimahullah, ma yadhhabu ilayhi al-aghtam. وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع. Donc il dit c'est une chose que les gens pensent ou qu'ils prétendent qu'ils changent l'image des choses et leur nature. Voilà les sens qu'a cité Ar-Raghib rahimahullah ta'ala par rapport au sihr. أما في الشرع. En ce qui concerne dans la législation, فالعلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في تحديد السحر. C'est-à-dire que les savants ils ont une divergence importante dans la définition de la sorcellerie. Jusqu'à ce que certains disent qu'il n'y a pas une définition dans la législation qui est claire. Comme Cheikh Mohamed Amin Shanqiti rahimahullah ta'ala, il dit السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع لكثرة أنواعه المختلفة الداخلة تحته ولا يتحقق قدر مشترك بينها أو بينهم أبينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها. Donc il dit il y a tellement de différentes sortes de sorcellerie qui rentrent dans la sorcellerie qui fait qu'il est difficile d'avoir de le définir d'une définition qui est claire et qui est jami' mani'. Donc nous allons citer inshallah ta'ala ce qu'ont cité les savants. Donc ils disent que al-sihr huwa uqad wa ruqa, c'est-à-dire que c'est des nœuds et des ruqa, c'est qui vient de ruqya en français, ruqa exorcisation. Yani c'est al-qira'at, le fait que la personne il va avoir des lectures, des dires. C'est-à-dire que ça va être aussi des al-hirz. Nous on appelle ça al-hirz. Des petits mots ou des petites feuilles qui vont plier ou ils écrivent des choses dedans. Yatawassalu biha as-sahiru ila istikhdam ash-shayatin, yani yastamiluha as-sahir min ajli istikhdam ash-shayatin li ilhaq ad-darar bil mas'hur wa lahu haqiqatun. فمنه ما يؤثر على قلب المسحور ومنه ما يؤثر على عقله wa ala iradati. Donc en gros, ce sont des uqad, des nœuds, ou des dir, des paroles, ou même des écrits, où le sorcier arrive par là à utiliser des diables et des génies pour faire du mal à autrui, c'est-à-dire celui qui va être ensorcelé. Et il y a vraiment un impact sur la personne qui est ensorcelée, car la sorcellerie va impacter sur son cœur ou sur sa raison ou sur son vouloir. Et vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé et qu'il pensait avoir eu des relations avec ses femmes alors qu'il ne l'avait pas fait, alayhi salatu salam. Donc il a un impact. La sorcellerie a un impact. Wa qala ibn Qudama rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire qu'il explique en gros ce que nous avons dit. السحر هو عقد ورقى يتكلم به او يكتبه او يعمل شيئا يؤثر في البدن او يؤثر في بدن المسحور او قلبه او عقله من غير مباشره له. C'est-à-dire que, comme nous avons dit, ce sont des nœuds et des dires qu'ils vont être dits ou écrits, ou il va faire quelque chose qui vont avoir un impact sur le corps, le cœur, l'esprit de cette personne, de celui qui est ensorcelé. Donc il faut savoir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité la sorcellerie, il l'a cité parmi les 7 grands péchés, min al-mubiqat. Et ceci, comme vous le savez, dans le hadith qui est rapporté dans les deux recueils par Abu Huraira. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ijtanibu al-sab' al-mubiqat » délaissez les 7 grands péchés. Il a cité Ash-shirku billah, l'association à Allah, puis il a cité la sorcellerie, puis il a cité les 5 autres grands péchés. Donc c'est un grand péché, c'est un péché majeur. Wasihru lahu atharun haqiqi. La sorcellerie a un impact véritable sur celui qui est ensorcelé. Et ceci d'après le consensus des gens de la sunna et du groupe. قال ابن هبيرة رحمه الله اجمع على ان السحر له حقيقة الا ابا حنيفة فانه قال لا حقيقة له عنده. Donc il dit Ibn Habir qu'il y a le consensus que la sorcellerie a un impact véritable, à part Abu Hanifa qui considère qu'il n'en a pas. Il faut savoir que ceux qui ont remis en cause le fait que la sorcellerie a un impact sur la personne, ce sont Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila ankaru an yakuna lis-sihri ta'thiran haqiqiyan. Et ils ont même dit que celui qui croit à cela, yani celui qui croit que la sorcellerie a un impact, eh bien, il a mécru. Il a mécru. Donc, il dit, Nawawi, rahimahullah ta'ala, wa sahihu, anna sihra lahu haqiqa, wa bihi qata'a al-jumhur, wa alayhi ammatul ulama, wa yadullu alayhi al-kitab, wa sunna sahiha al-mashhura. Donc, il dit, Nawawi, rahimahullah, et ce qui est authentique, c'est que la sorcellerie a un impact véritable. Et c'est ceci l'avis de la majorité de tous les savants. Et c'est la preuve qu'il y a, et ce qui est prouvé par le livre saint et la sunna authentique connue. Donc la sorcellerie a un impact certain sur les gens. Jusqu'à ce que certains savants ont considéré que le fait de remettre l'impact qu'a la sorcellerie était une ignorance et une bêtise. Donc il est rapporté de l'Khattabi rahimahullah ta'ala qu'il a dit sur ceux qui remettent en cause l'impact de la sorcellerie, fanafi sihr jahl. Il a dit celui qui remet en cause l'impact de la sorcellerie, c'est une ignorance. Wa raddu ala man nafa laghwun wa fadl. Et le fait de répondre à ces gens-là, c'est quelque chose d'inutile. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que c'est quelque chose d'inutile. Car c'est une chose qui est claire. Mais quel est cet impact? Est-ce que l'impact qu'a la sorcellerie sur les choses, est-ce que cela veut dire que la sorcellerie peut faire bouger une chose qui ne bouge pas? Ou peut rendre immobile une chose qui est mobile? Est-ce que c'est cela, la sorcellerie? Cela, il n'y a aucun doute que c'est faux et que la sorcellerie n'a pas d'impact sur le fait de faire bouger les choses. Mais elle a un impact sur la personne qui fait que une chose qui ne bouge pas, il se peut que la personne la voie bouger. Comme une chose qui bouge, il se peut que la personne la voie immobile. Vous comprenez? Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que As-sihr, en réalité, il est de deux catégories chez les gens de la sunna. As-sihr al-haqiqi, c'est-à-dire la sorcellerie véritable, qui est celle qui a un impact sur le corps, ou le cœur, ou l'esprit. Et c'est celle qu'a cité Allah Azza wa Jal dans le Coran, lorsqu'il parle de Sulayman, où il dit Allah, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils apprennent pour faire séparer l'homme de sa femme. C'est-à-dire qu'avec la sorcellerie, on peut séparer un homme de sa femme. Bien sûr, cela n'est que par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le sihr haqiqi. وَهُنَاكَ سِحْرٌ آخَرُ السِحْرُ التَّخَيُّلِي. C'est-à-dire, c'est la sorcellerie qui est une sorcellerie dont l'impact est uniquement dans l'œil. C'est-à-dire que la personne, il va voir une chose qui n'est pas véritable en réalité. Et c'est ce qu'a dit Allah Azza wa Jal lorsqu'il parle, il dit يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. C'est comme avec l'histoire de Moussa alayhi salam. Lorsqu'ils ont jeté leur bâton, ils ont cru, les gens, que en fait c'était des serpents et qu'ils bougeaient. سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. Ils ont mis la sorcellerie dans les yeux des gens. Ceci s'appelle السِحْرُ التَّخَيُّلِي. C'est-à-dire, c'est une sorcellerie qui est dans l'œil. Illusionniste. قال الشيخ ومنه الصرف والعطف. الصرف أو سحر الصرف هو الذي يصرف العبد عما يحبه ويريده من أمور الخير. Donc c'est as-sarf, c'est celui qui détourne la personne de ce qu'il aime et de ce qu'il veut comme bonne chose. Comme le fait de détourner l'homme de sa femme, par exemple. Ça s'appelle sihr al-sarf, qui va le détourner. Amma sihr al-atf, eh bien c'est le contraire. C'est le contraire de sarf. C'est celui qui va faire aimer à la personne ce qu'il n'aime pas et ce qu'il ne veut pas faire. Comme le fait de rapprocher un homme de sa femme ou l'inverse, par la sorcellerie, wal'iyadu billah. Et ceci s'appelle al-atf. Et ces deux sortes-là, al-atf wa sarf, sihrun haqiqi, c'est des sihrs qui sont véritables. Et c'est pour ça que l'auteur, il dit, فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرْ. Donc, هذا السحر, هذا النوع من السحر, العطف والصرف, والسحر الحقيقي, كفر بالله عز وجل. Allah عز وجل dit, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Donc Allah il dit, et suivez ce qu'a récité les diables sur Sulayman, et Sulayman n'a pas mécru, mais les shayatin, les diables ont mécru. Donc le verset que cite aussi l'auteur, rahimahullah, nous montre que la sorcellerie est une mécréance. Une mécréance qui sort de l'islam. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit « Man amila bihi, aw radiya bihi, kafar. » Et quelle est la cause que al-sihr est une mécréance et une association? Il y a deux raisons. La première, c'est que al-sihr, c'est de l'association et de la mécréance en Allah Azza wa Jal, car il faut utiliser les djinns et les shayatins et se rapprocher d'eux par une multitude d'adorations pour apprendre la sorcellerie et pour avoir une association avec eux. Donc Allah Azza wa Jalla il dit ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Donc nous tirons de ce verset que le fait d'enseigner السحر c'est de la mécréance. La deuxième raison c'est لما فيه من ادعاء علم الغيب. C'est parce qu'il y a aussi le fait de prétendre la connaissance de l'invisible. Et ceci est une particularité à Allah Azza wa Jalla, une qualité particulière à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, il dit sur la sorcellerie, que c'est de l'association de la mécréance, il dit السحر يدخل في الشرك من جهتين. La sorcellerie rentre dans l'association de deux côtés, de deux façons. Min jihatayn, min jihati ma fihi min istikhdam ash-shayatin wa min at-ta'alluq bihim wa rubbama taqarraba ilayhim bima yuhibbun fayaqumu bi khidmatihi wa matlubihi. Donc il dit la première raison c'est quoi? C'est que il se rapproche des shayatins, il les utilise, il leur voue un culte pour que il soit ensuite à son service et qu'il fasse sa demande. Wa min jihati ma fihi min da'wa ilm al-ghayb wa da'wa musharakati Allah fi ilmihi wa suluk turuq mufdiya ila dhalika. Il dit dans notre sens, car il y a le fait de prétendre connaître l'invisible. Et ceci, c'est prétendre être associé à Allah dans sa science. Et de prendre des chemins qui mènent aux branches de l'association et de la mécréance. Donc là, nous bien voyons quelle est la cause par laquelle la personne qui fait de la sorcellerie devient mécréant, ou quelles sont les causes sur le fait que la sorcellerie est de la mécréance et de l'association. وقال الذهبي رحمه الله تعالى فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر يظنون انه حرام فقط وما يشعرون انه الكفر. Donc il dit الذهبي, et tu vois beaucoup de gens parmi les égarés pratiquer la sorcellerie. Ils pensent que c'est uniquement interdit. Et déjà, c'est beaucoup. Alors qu'ils ne savent pas, وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّهُ الْكُفْرِ. Ils ne savent pas que c'est la mécréance. Donc il faut savoir que la sorcellerie, par rapport à la mécréance, elle peut être de plusieurs catégories. C'est-à-dire, nous n'allons pas dire que toutes les sorcelleries font sortir de l'islam. Ou est-ce que, ou si nous parlons d'autres choses qui peuvent être considérées comme de la sorcellerie. Donc qu'est-ce qui est sorcellerie et mécréance et association ? Premièrement, ce que nous venons de citer. Ce qui mène au fait que nous nous rapprochons des chéatines et que nous leur vouons un culte. Ou que pensons connaître l'invisible. Et ceci, l'astrologie. Et l'astronomie. L'astrologie. L'astrologie, même l'astronomie. Car si il se rapproche et il fait l'adoration des étoiles pour définir l'avenir de quelqu'un, eh bien ceci est du shirk billah. Et même c'est un tarot, cette personne, qui définit l'avenir des gens par les étoiles. Donc ça c'est de la mécréance et du shirk. Il y a ce qui est interdit, haraman shadidan, et c'est le fait d'utiliser des potions ou des sortes de médicaments qui vont avoir un impact sur la personne et sur sa volonté, et ceci est haram. Et certains ne l'appellent même pas sihr. Certains l'appellent ash-sha'wadha, c'est-à-dire le fait de donner aux gens des potions ou des sortes de médicaments qui vont impacter sur leur volonté. Ce n'est pas de la mécréance. Il y a al-sihr alladhi yarji'u ila sur'ati al-haraka. C'est-à-dire, il y a aussi la troisième chose qui est la magie, dans le sens où il trompe les yeux des gens. Ma'ani avec les cartes, par exemple, ou etc. Et ceci est une traîtrise et du khida, et du tadlis. Donc il dit, Cheikh Amin, Mohamed Amin Shaqiti, rahimahullah, dans son livre connu, Al-Tafsir, Adwa al-Bayan, والتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل. Il dit la réalité dans ce point-là, c'est-à-dire la mécréance de celui qui fait de la sorcellerie, et considérant que celui qui utilise des aqaqir et des adwiya, c'est-à-dire des potions et des sortes de médicaments, n'est pas considéré comme un sahir en réalité. Mais c'est un mushawad. Il dit والتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل. فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. Il dit si la sorcellerie elle mène au fait de grandir autre qu'Allah, comme les étoiles, les génies ou les diables et autres, ceci mène à la mécréance. Eh bien, c'est une mécréance sans divergence. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع. Donc, dans la sourate al-Baqarah, dans les versets que nous avons cités, eh bien, il cite Allah Azza wa Jal que يفرقون بين المرء وزوجه, c'est-à-dire السحر الحقيقي. Et bien que cela est de la mécréance et cela, il n'y a pas de divergence là-dessus. وَإِنْ كَانَ السِّحْرُ لَا يَقْتَضِي الْكُفْرَ كَالْإِسْتِغَاثَةِ بِخَوَاصِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الدِّهَانَاتِ وَغَيْرِهَا فَهُوَ حَرَامٌ حُرْمَةً شَدِيدَةً وَلَكِنْ لَا يَبْلُغُ بِصَاحِبِهِ الْكُفْرِ. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. Donc il dit ici, cette sorcellerie n'est pas une sorcellerie qui implique la mécréance, comme le fait d'utiliser certaines choses, comme lui dit Ad-Dihanat, c'est-à-dire une sorte de ce qu'on met sur la peau, ou des potions, etc. Il dit cela est interdit, une interdiction grande, mais ne mène pas celui qui le fait à la mécréance. Et c'est cela, yani at-tahqiq, c'est ça la bonne parole, incha'Allah ta'ala. Donc vous voyez, mes chers frères, qu'il y a deux catégories de mécréance. Il y a deux catégories, pardon, de sorcellerie. Une qui mène à la mécréance et l'autre qui ne le mène pas, malgré que c'est une interdiction importante, que c'est une chose qui est interdite et qu'il faut absolument s'en éloigner. En ce qui concerne le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit As-sihru, ensuite qu'il dit Man fa'alahu wa radiya bihi kafar, de quel sihr il parle? Il parle du premier, lui, rahimahullah ta'ala. Il parle du premier, celui où il y a le fait de grandir ou de prendre ou d'utiliser les shayatines et les djinns et de se rapprocher d'eux par une multitude d'adorations, ou le fait de prétendre connaître l'invisible. Et c'est celui-là dont parle Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala, où il y a kufrun bila niza', comme il dit Cheikh Mohammed Amin. Il y a mécréance sans divergence. Donc quel est le jugement du sorcier? Quel est le jugement du sorcier? Eh bien, certains ont considéré que le sorcier, il doit être tué dans tous les cas. Et ceci est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Ahmad, rahimahumullah ta'ala. D'autres ont considéré qu'il ne devait pas être tué dans tous les cas, mais il devait être tué uniquement si sa sorcellerie a mené à la mort de quelqu'un. وَلَا يُقْتَلُ رِدَّةً وَإِنَّمَا يُقْتَلُ قِصَاصًا. C'est-à-dire que nous n'allons pas le tuer par mécréance, mais il va être tué par qisas, par talion. Je précise que c'est dans un état islamique. Donc ceci est clair, incha'Allah ta'ala. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun hadith prophétique qui cite une sentence pour le sahir, pour le sorcier. Mais il y a un texte qui est rapporté par Jundub où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit حد الساحر ضربة بالسيف. Et le hadith est rapporté par Al-Tirmidhi. Il dit la sentence du sorcier, c'est un coup d'épée. Le hadith est rapporté par Al-Tirmidhi, mais il n'est pas authentique jusqu'au prophète sallam. لا يصح فيه الرفع. Il s'arrête en réalité à Jundub. Et Al-Tirmidhi, il dit سألت محمد. Muhammad c'est qui? Lorsqu'il dit Sa'altu Muhammad, Al-Tirmidhi c'est le Bukhari. Sa'altu Muhammad an hadha al-hadith faqal hadha laysa bi shay. Donc al-hadith il est mawquf ala Jundub. Lakinna qad sahha an jama'ah min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qatl al-sahir. Il est rapporté par un groupe de compagnons qu'il faut tuer le sorcier. Et notamment, lorsque Omar écrivit, il a dit, كَتَبَ عُمَرْ أَنْ اِقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرْ وَسَاحِرَةْ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرْ. Donc il dit, Omar a écrit, au contraire, tuer tous les sorciers et les sorcières. Et il dit, ceux qui rapportent l'information, le khabar, ils ont tué 3 sorcières. Ceci est rapporté par Abu Daoud. Wa qala Sheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, aktharul ulama على أن الساحر كافر يجب قتله، فقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة وعبد الله بن عمر وجندب. Donc il y a quelque chose qui est relaté par beaucoup de compagnons. Jusqu'à ce que Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, al-Hanbali, il a allaqa ala athari Umar. Il a fait une annotation sur la parole de Umar, où il a écrit aux gens qu'il fallait tuer les sorciers. Il a dit ensuite Ibn Qudama, وهذا اشتهر فلم ينكر فكان اجماعا اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الساحر. طيب donc ici Ibn Qudama il rapporte le consensus des savants sur le fait de tuer le sorcier bien sûr dans un état islamique. Donc, il dit, Cheikh Rahimahullah Ta'ala, « Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, innama nahnu fitnatum fala takfur. » Donc, ceci est la preuve du Coran que la sorcellerie que nous avons citée est une mécréance. Et que celui qui l'a fait, et maintenant on parle de celui qui l'a fait, le sorcier, ou celui qui en est satisfait, est un mécréant, est un kafir. Al-ridha bil kufri kufr. Le fait d'être satisfait de la mécréance, c'est une mécréance. Donc comme ceux qui vont par exemple chez le sorcier pour séparer entre deux un couple, ou pour rapprocher entre un couple, etc., tout cela, ils ont commis une mécréance, wal'iyadu billah. Et c'est donc pour cela, mes frères, qu'il faut s'écarter de toutes ces choses-là qui mènent à la mécréance. Donc il faut savoir aussi qu'il y a eu une divergence entre les savants sur le repentir du sorcier. Ils ont divergé sur deux avis. Certains considèrent qu'il n'a pas de repentir, d'autres considèrent qu'il peut se repentir. Et l'avis, inshallah ta'ala, le plus prépondérant, c'est qu'il a le droit de se repentir. Et que s'il se repent de sa sorcellerie, eh bien, que son repentir est accepté. Donc, inshallah ta'ala, c'est en gros tout ce qui est en rapport avec la sorcellerie. Wallahu ta'ala alam subhanak wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.